À l'occasion de la promotion du camarade Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Juranov, président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, lui a fait parvenir le 4 courant un message de félicitations. Le destinataire a indiqué que sa promotion au poste de président du Comité des affaires d'État à la 4e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée prouve son grand prestige chez le peuple coréen et raffermit la certitude que le Parti du travail de Corée continuera invariablement la ligne d'édification de la société socialiste, de développement du pays et d'amélioration de la vie des travailleurs. Finalement, il a formulé son hommage au maréchal Kim Jong-un.